بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان اليوم الدين، أما بعد، ما هو الاسم المنصوب الثاني الذي أخذنا؟ مفعول مطلق. نعم، هو ما هو مفعول مطلق؟ المصدر، مصدر منصوب، الموافق لعمله في لفظه أو معنويه. ومعنى. طيب، والمفعول المطلق على كم انقسم؟ ما هما؟ ذكرتهما في التعريف. ما هو اللفظي؟ لكل لفظي. والمعنوي؟ c'est le même sens mais c'est un fiel différent comme on a dit. جلست قعودا. نعم. طيب، الآن سندخل في الظرف. قال يعني باب ظرف الزمان وظرف المكان، يعني المفعول فيه. ظرف الزمان، ظرف المكان، ونزفر également مفعول فيه، المفعول فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأجرمية: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. الآن المصنف إلى كمسي دار جرمية بار ظرف مكان. Donc c'est le nom qui définit un lieu. Un temps plutôt, en fait. Zarf Zemen. C'est le nom qui définit un temps. Bitokdir fi. Dont cela est sous-entendu par étant fi. Ada di nokta muhimma jiddan. Bitokdir fihi. Lakin ma yuskar fi. Inama le ma'na fi. Après, c'est à différents dhuruf. Ils vont arriver, inshallah. قال في شرح: الظرف لغة الوعاء. الوعاء، الظرف c'est une chose, c'est une enveloppe, c'est une chose qui englobe autre chose, chose qui renferme autre chose. Donc ظرف معنى c'est une chose qui se trouve à son intérieur. واصطلاحا ينقسم الى قسمين: ظرف زمان وظرف مكان. Sont deux formes. اصطلاح celui qui est lié au temps et celui qui est lié au lieu. اولا ظرف الزمان تعريفه كما ذكر في الاجرميه c'est اسم الزمان le nom relié au temps qui est منصوب بتقدير في qui est sous-entendu de dans. مثاله جئت اليوم. جئت اليوم، فجئت هذا فعل الماضي مبني على السكون متصل به بضمير، وتو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، واليوم هذا ظرف زمان منصوب بالجملة مفعول فيه منصوب بالفعل ورمة رفعه الفتحة الظائرة على آخره. فهذا كما قال هو يدل على الزمان الذي وقع فيه المجيء. Ce jour-là, je suis venu aujourd'hui, dit-on اليوم. Il définit le temps dans lequel s'est produit la venue. Dans lequel. Dans lequel. Donc, il faut qu'il y ait un temps de dire de fi. Kanakakulta dit tout fi lié au mi. Mais ça ne se dit pas. Mais le sens, c'est ça. Car ce mot-là, l'yom, il aurait pu venir pour avec un autre irlob. Takum mathalan, el yomu yomun sa'id. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, mathalan. Là, c'est pas un zarf. Là, on a un mubtada à khabar. Il n'y a pas de takdir fi. Comme on disait, ce jour-là est un bon jour. Là, ce qu'il y a marna fi, ah, il n'y a pas fi. Donc regarde bien avant de faire lire là, parce que c'est un zarf ou pas, est-ce qu'il y a un sens de fille dedans? S'il y a un sens de fille, c'est un zarf. Mithal ou mithal yom, d'autres alphas qui ont le même, qui viennent souvent comme étant des mafoum fihi, zarf zaman, al-layla, rodoa, Leila, donc c'est la nuit. Le Rodwa, c'est Sabah. Awel el Nahar. Awel Nahar. Début du jour. Bukratan Kazalik. Nefs Ma'ana. Ils disent souvent, ils disent Bukra, dans le sens de Raden. Alors que Bukra, précisément, c'est le matin. Ça veut dire Bukra Bar de l'As. On dit non, non. Pas menacé. Bukhara, c'est le matin. C'est comme le balai, c'est pour le nuit. Ah non, c'est les temps précis. Saharan. Saharan, matayakoun. Sahar. C'est quand le Sahar? Avant le Fajr. Avant le Fajr. Raden, c'est le lendemain. Une erreur que beaucoup de gens y font avec Raden, tout le temps les mettre mansoub. Ala khata. Des fois, il vient, il n'est pas dans le saum. Il dit, Nassalen, Sanati, Ba'ad, Nassalen, Raden. Il dit là, maintenant, Ba'ad. Ba'ad, c'est un zarf, également. Mais il est moudaf. Raden, moudaf, il est dit, comment il est dans le saum? Il dit, Ba'ad, Radin. Nassalen. Donc, Raden, ce que t'en as aussi, je crois que c'est un mot, il s'écrit avec un alif et un nun. Ils savent pas que c'est un ensemble en fait. Comme on dirait Soukran. Et ils vont dire Raden Kazalik. J'ai vu des gens m'écrire, des 8 minutes, certains m'écrire Raden avec un alif et un nun. Ils disent Mawa Kaza. Elle a mon soub. Car si tu t'arrêtes, tu dis Saati Rada. Tu t'arrêtes sur le alif. Thumakol Atamatan Ada wa Awal al-Layl. Il est Nisr al-Layl. D'ailleurs, les Arabes, avant, ils appelaient l'Isha Atamatan. Les Arabes, ils appelaient l'Isha Atamatan. Sabahan. Sabahan, c'est le matin. Masa'an. Azam min al-Dhur. Il est al-Layl. C'est plutôt le temps du zénith jusqu'à la moitié de la nuit. Abadan. وأمتن وأبدا وأمدا بأمتا أمدا بدل أمدا هذا وذكر تحت كل منهما اسم الزمان المستقبل pour le futur rythme mahdoud. On traduira souvent أبدا par toujours, ou alors le contraire, jamais. Ça pourrait dire toujours ou jamais. Yakul Fulen, Yafrel Aza, Fulen, Abadan. Il fait toujours cela. Il continue. Oulen Taoudila Aza, Abadan. Ne recommence plus jamais cela. Tu peux dire également Amadan. C'est le même sens. Et le axe de Abadan, c'est Qat. والفرق بينهما ان قط ياتي في الماضي يستخدم في الماضي Abaden, مستقبل. قد c'est pour le passé. تقول ما فعلت هذا قط. J'ai fait cela. Et pour le مضارع المستقبل, tu vas dire لا أفعل هذا أبدا. Moi je ne fais jamais ça. Exemple. وحينا هذا اسم لزمن مبهم. حينا اسم زمن مبهم. On traduirait ça par un moment. C'est un moment, une période de temps indéfinie. قال ومنه قوله تعالى سيعلمون غدا. أعلى إبليس سيعلمون غدا. في حرف تنفيس مبني على فتح. حرف تنفيس مبني على فتح. يعلم فعل مضارع مرفوع بالنون نيابة عن الضمة لأنه من الأربعة خمسة. والواو فاعل, واو الجمع فاعل مرفوع Là. Damir, c'est quoi le Damir? C'est quoi son hal? Mamni. Mamni à la Sukun. Wow, Mamni à Sukun. Fi mahal raf, fa'il. Aywa. Gadan, dorf, dorf zaman, mansoub, alamat nasbini. أحسنت. وكذلك وسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا. فكل هذه ظروف. فالظرف الزمان, فالظرف الزمان عبارة عن الليالي والأيام وما أشبه ذلك من أسماء الزمان نحو السنة والشهر والدهر. دي نو كي ديفينيس ان تان avec تقدير في طبعا avec تقدير في comme la nuit comme le jour également السنة l'année الشهر le mois ou الدهر le temps. نعم. ثم قال ثانيا ظرف المكان celui qui est lié au lieu. قال المصنف وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بالتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. Donc là, il cita كذلك, les ظرف du mekan. Et c'est le même ta'lif que l'autre, sauf que là, c'est mekan. Ism, zaman, mansoub, du taqdir, fi. Faut qu'il y ait un taqdir de fi. Lazim. قال مثاله جلست تحت الشجرة. Je me suis assis sous l'arbre. On a shahid tahta. Ala dharf makan. Mansoub bil fi'a. Nous call kazalik mafoulun fihi. On peut l'appeler mafoul fi. Il y a la chose mafoul dans lequel a lieu la chose. Et ce dans peut être dans un temps, dans un lieu. مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة والظاهرة والآخره وهو مضاف الشجرة مضاف إليه. Donc جلست تحت الشجرة التقدير كانك تقول جلست في تحت الشجرة لكن ما يقال ça se dit pas mais le sens est tu étais dans le lieu qui est sous l'arbre. فهو اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل. C'est un nom de lieu qui démontre l'endroit où s'est passée l'action. Sous l'arbre. وذكر المصنف من ألفاظ دلت على المكان 13 لفظة. Là, c'était 13 dans le matin. Il y en a plein d'autres. وذكرنا أن بعض الظروف مبنية. لا تغفل عن ذلك. Certains ظروف sont مبني. On avait dit au début. من اسم المبنية بعض الظروف. Parmi eux, on avait dit حيث. Par exemple. Il y a Amsi. Amsi, Memni, Al Al-Kasr. Tu dis Jitu Amsi. Tu dis pas Jitu Amsa. Et Ams, c'est un Zorf, Mada. Zaman. Haïsou, ça peut être les deux. Ça peut être Zaman, ça peut être Mekan. Souvent, c'est Mekan. Et deux parmi ceux qu'on va citer aujourd'hui, maintenant, là. Ça, c'est Mamni, كذلك. Awalen, Amam, Amam, Wabi Ma'ana, Kuddam, qui veut dire devant. Jalastu, Amam et Sheikh. Je suis assis devant le Sheikh. Wa Khalfa, Wa Aks, Amam, c'est le contraire, c'est derrière. Nahu, Sallaytu, Khalfa, l'imam. C'est un salat derrière l'imam. Kuddam, نحو قولك الحديقة قدام المنزل قدام معنى أمام تو دير دوفون également ووراء بمعنى خلف دايا نحو قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم كيلون دي لسدي على ظهور وفوق اسم لمكان العالي كي veut dire au-dessus فوق نحو قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده chose que les mu'attila ont délaissé صفات العلو الذاتيه ils n'acceptent pas que Allah est au-dessus et là ils ont ce verset interprété وهو القاهر فوق عباده قاهر c'est comme le dominateur. Ils ont dit non, il domine. C'est-à-dire qu'il domine, il est au-dessus dans le sens par sa domination. Ça ne veut pas dire qu'il est à un endroit au-dessus de toi. C'est-à-dire qu'il a un rang au-dessus de toi. On dit, ce roulou-là, là, on l'accepte. Mais également, il y a roulou, sifat, al-dhatiya, qui est Allah au-dessus. Celui-là, ils ne l'ont pas accepté. D'ailleurs, il s'appelle roulou al-kahar. Pas la domination. Comme, مثلاً, les autorités sur les gens. Ils sont dessus d'eux. On va dire, par exemple, Foulani, l'alim Foulani, il est au-dessus de toi. Ça veut dire qu'il est assis au-dessus? Ou surtout, il est assis au-dessus, c'est possible. Il a un bureau au-dessus de du Moussalla. Mais là, on parle, c'est-à-dire son rang est au-dessus du tien. Comme le père par rapport au fils, ou Arayza Alika. Donc, ce Oulou-là, pour Allah ce moment-là, bien sûr, pour le Nuzbito. Lakin, Nuzbit Kazalik, Oulou est Sifat, Oulou est Zat. Ça, il l'accepte pas. ثم قال تحت اسم للمكان السافل qui veut dire en dessous. نحو قول الله تعالى يبايعونك تحت الشجرة. Il te prête allégeance sous l'arbre. وعند اسم لما قرب من المكان. عند qui veut dire auprès. D'autres des fois par chez. La salle quand quelqu'un dit Indi Sayara, traduit par comment? J'ai une voiture. Je possède une voiture. En fait, quand il dit Indi Sayara, c'est dans mes biens. Il est une voiture, en fait. Parce que Indi, c'est pas un verbe comme posséder. Mana Amlik. Comme lorsqu'on dit El Indak Mel. Nous, on traduit, est-ce que tu as de l'argent? En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a sur toi de l'argent, avec toi, en toi? Et une erreur que beaucoup de gens font avec Inda, le seul harfoujar qui rentre dans Inda et je pense d'autres Zorof Kazalik, c'est min. Ça veut dire cool. Kharajtu min indik. Je sors de chez toi. Donc, les gens ils disent Foulen zaaba ila indik. Il a khata. Le seul harf jar qui agit, qu'on a le droit de rentrer sur ces Zorof là, c'est min. Tous, je sais pas, moi je connais avec Inda. Je connais avec Tarte aussi. Min tahtil ard. Min fawqi kadhalik. Ama ila fulan dhahaba ila indik ada khata. Ada lahn. Wa mithal qawluhu ta'ala واذكروا الله عند المشعر الحرام وعندنا مع اسم المكان المصاحبه وغنيو par avec d'ailleurs ce مع il est مبني مع مبني على الفتح من الظروف المبنيه كفي كل الله عز وجل ارسله معنا. Envoie-le avec nous. Wa iza'a ay muqabil iza'a en face. Nahu qawlika waqaftu iza'a al-maktaba. Je suis arrêté devant la maktaba. Wa hiza'a bimaana qariban. Nahu qawlika jalastu hiza'a al-masjid. Je me suis posé à proximité du masjid. Je peux dire aussi Janib, Janastou, Janib al-Masjid, à côté du Masjid, à ce moment-là, ça va être un zorf. Wa tilqa'a, ma'na muqabil, qui veut dire également en face. Nahu qawlillahi ta'ala, wa lamma tawajjaha, tilqa'a, madian, wa kathalik, huna, wa huna, hadha ism shara, l'makan qarib. هنا ça ism ishara. Donc il est mabni. Mais ça ism ishara pour Amékin. Karib. Et si tu veux plus loin, tu dis hunalika ou hunaka. كيف الخطاب ولم البعد. Tu rajoutes. Donc هنا c'est ism ishara. مبني على السكون. نحو قولك جلست هنا. وكذلك عندنا ثم ثم اسم اشاره للمكان البعيد اسم اشاره pour un lieu qui est éloigné تقول جلست ثم اي هناك et attention pas confondre avec le حرف عطف ثم ثم شيء اخر ثم شيء حرف عطف وثم بفتح الثاء c'est un ism ishara. Tu peux dire également thammata avec t marbouta. Tu peux dire thamma ou thammata. Comme des fois, t'entends les ulama, ils parlent, ils disent wa min thamma nakulana kaza wa kaza wa kaza. Imana min huna. Qala wa kazalika yuqal fi baqiyat asma al jihat nahu yamin wa shimal. Et c'est pareil dans les noms de direction, comme droite, gauche. Tatroul fi azzurouf. Si elles sont utilisées avec le sens fi. Par contre, tu peux dire ala yaminik ou ala shimalik. La ala, il rentre dans cela. Hein? Et gadalik. Moi, tout à l'heure, quand je parlais de mine, je parlais par rapport à inda, ce que je connais. Mais cela, là, non. D'autres khulouf ou jar peuvent rentrer. Et les zolofs qu'on a cités là auparavant, ce qui est connu, c'est qu'ils viennent moudaf. D'accord ? Ils viennent moudaf. Sana'inda, ils viennent moudaf. Ma'a kazalik. Et quand tu ne vois pas le moudaf, c'est qu'il y a un takdir. مضاف إليه للمحذوف. C'est pour cela que là, les mets sont tanouines. Comme tu constates, il n'y a pas de tanouine. Contrairement au ce qu'on a pris dans le mécan, on avait dit quoi? Regarde. Adawatan, Mukratan, Saharan, Wagadan, Wa'atamatan. Tanouine n'est pas موجود. Cela, il n'y a pas de tanouine. Pourquoi? Liennaha, Mulazamat, Lidafa. Et le Moudaf, il n'y a pas de tanouine. Si jamais des fois, tu le vois sans Moudaf derrière, sans Moudaf, il est derrière. C'est qu'il est mahzouf bil muqaddar. Par contre, ce n'est pas le cas pour Asma al-Jihad, comme Yamin, Shimal. Mais les autres, si. Et un tafsir encore dans les zorouf. Et, Inch'Allah, hadha alladhi akhadhna kafin. Inch'Allah. طيب نشوف بعض التمارين. يقول ألن تعين لنا الظروف في هذه الآية؟ شو هذه الآية وسط الظرف ولا بياسكم عليها؟ أولا يوم يقوم الناس لرب العالمين لو ظرف يوم أي معنى في يوم فالمغيرات الصبحاء النظر نعم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا وبنينا فوقكم سبعا شدادا فوق نعم وَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ derrière son dos وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ثَمَّ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ عِشَاءً إخوات يوسف وكان تحته كنز لهما تحت نعم طيب لأن علي بعد الحديث تحت في الآخر في اليعرب الظلم ظلمات يوم القيامة la justice sur les ténèbres le jour de la résurrection رواه البخاري أتدي على كاملة الظلم نعم مرفوع وعلى متر فهي الضمى على آخره الضمى ضغلاء على آخره نعم ظلمات خبر مرفوع وعلى متر بالمبتدا أجل بيتزع مبتدا مرفوع بالابتدا نعم والظلمات يكون خبر مرفوع وعلى متر فهي ظهر على آخره نعم يوم ظرف مكان منصوب لا ظرف مكان ظرف زمان نعم منصوب مضاف نعم القيامة مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة إلى الكسرة على آخره أحسنت عظم فهمت ظرف والسهل وبعدين إن شاء الله سنأخذ الحال فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.